Chapitre 2e, le colonel Munro. « Eh bien, mon cher Mauclerc, me dit l'ingénieur Banks, vous ne nous parlez point de votre voyage? On dirait que vous n'avez pas encore quitté Paris. Comment trouvez-vous l'Inde ?»« L'Inde ? » répondis-je. « Mais pour en parler avec quelque justesse, il faudrait au moins l'avoir vue. »« Bon, reprit l'ingénieur, ne venez-vous pas de traverser la péninsule de Bombay à Calcutta ? Et à moins d'être aveugle ?»« Je ne suis pas aveugle, mon cher Banks. » Mais pendant cette traversée, j'étais aveuglé. Aveuglé? Oui, aveuglé par la fumée, par la vapeur, par la poussière, et mieux encore, par la rapidité du transport. Je ne veux pas médire des chemins de fer, puisque votre métier est d'en construire, mon cher Banks, mais ce calfeutré dans le compartiment d'un wagon, n'avoir pour champ de vision que la vitre des portières, courir jour et nuit avec une vitesse moyenne de 10 000 à l'heure, tantôt sur des viaducs, en compagnie des aigles ou des gypaètes, tantôt sous des tunnels, en compagnie des mulots ou des rats, ne s'arrêter qu'aux gares, qui se ressemblent toutes, ne voir des villes que l'extérieur des murailles ou l'extrémité des minarets, passer dans cet incessant brouhaha des mugissements de la locomotive, des sifflets de la chaudière, du grincement des rails et du gémissement des freins, est-ce que c'est voyager, cela ? Bien dit, s'écria le capitaine Hodd. Répondez à cela, si vous le pouvez, Banks. Qu'en pensez-vous, mon colonel ? Le colonel auquel venait de s'adresser le capitaine Hodd inclina légèrement la tête et se contenta de dire « Je serais curieux de savoir ce que Banks va pouvoir répondre à M. Mauclerc, notre hôte. »« Cela ne m'embarrasse en aucune façon, » répondit l'ingénieur, « et j'avoue que Mauclerc a raison en tout point. » « Alors, s'écria le capitaine Hodd, s'il en est ainsi, pourquoi construisez-vous des chemins de fer ?»« Pour vous permettre, capitaine, d'aller en 60 heures de Calcutta à Bombay lorsque vous êtes pressé. »« Je ne suis jamais pressé. » « Eh bien alors, prenez le Great Trunk Road, » répondit l'ingénieur. « Prenez-le, Hodd, et allez à pied. C'est bien ce que je compte faire. Quand ?»« Quand mon colonel consentira à me suivre dans une jolie promenade de 800 ou 900 milles à travers la péninsule ?» Le colonel se contenta de sourire et retomba dans une de ces longues rêveries dont ses meilleurs amis, entre autres l'ingénieur Banks et le capitaine Hodd, avaient tant de peine à le tirer. J'étais arrivé depuis un mois dans l'Inde, et pour avoir pris le Great Indian Penciler, qui relie Bombay à Calcutta par Allahabad, je ne connaissais absolument rien de la péninsule. Mais mon intention était de parcourir d'abord sa partie septentrionale au-delà du Gange, d'en visiter les grandes villes, d'en étudier les principaux monuments, et de consacrer à cette exploration tout le temps qu'il faudrait pour qu'elle fût complète. J'avais connu à Paris l'ingénieur Banks. Depuis quelques années, nous étions liés d'une amitié qu'une intimité plus profonde ne pouvait qu'accroître. Je lui avais promis de venir le voir à Calcutta dès que l'achèvement de la portion de Sindh, Punjab et Delhi, dont il était chargé, le rendrait libre. Or, les travaux venaient d'être terminés. Banks avait droit à un repos de plusieurs mois, et j'étais venu lui demander de se reposer en se fatiguant à courir l'Inde. S'il avait accepté ma proposition avec enthousiasme, cela va sans dire. Aussi devions-nous partir dans quelques semaines, dès que la saison sera devenue favorable. À mon arrivée à Calcutta, au mois de mars 1867, Banks m'avait fait faire connaissance avec l'un de ses braves camarades, le capitaine Hodd. Puis il m'avait présenté à son ami, le colonel Munro, chez lequel nous venions de passer la soirée. Le colonel, alors âgé de 47 ans, habitait une maison un peu isolée dans le quartier européen, et par conséquent en dehors du mouvement qui caractérise cette ville commerçante et cette ville noire dont se compose en réalité la capitale de l'Inde. Ce quartier était appelé quelquefois la cité des palais. Et en effet, les palais n'y manquent point, si toutefois cette dénomination peut s'appliquer à des habitations qui n'ont d'un palais que les portiques, les colonnes et les terrasses. Calcutta est le rendez-vous de tous les ordres architectoniques que le goût anglais met généralement à contribution dans ces cités des deux mondes. Pour ce qui est de la demeure du colonel, c'était le bungalow dans toute sa simplicité, une habitation élevée sur un soubassement en briques n'ayant qu'un rez-de-chaussée, que couvrait un toit se profilant en pyramide. Une véranda ou varangue, supportée par de légères colonnettes, en faisait le tour. Sur les côtés, cuisine, remise, commun, formaient deux ailes. Le tout était contenu dans un jardin planté de beaux arbres et entouré de murs peu élevés. La maison du colonel était celle d'un homme qui jouit d'une grande aisance. Son domestique était nombreux, tel que le comporte le service des familles indo-anglaises dans la péninsule. Mobilier, matériel, disposition intérieure et extérieure, tout était bien compris, sévèrement tenu. mais on sentait que la main d'une femme avait manqué à ses divers arrangements. Pour la direction de son personnel de serviteurs, pour la conduite générale de sa maison, le colonel s'en remettait entièrement à l'un de ses anciens compagnons d'armes, un Écossais, un conducteur de l'armée royale, le sergent MacNeil, avec lequel il avait fait toutes les campagnes de l'Inde, un de ces braves cœurs qui semblent battre dans la poitrine de ceux auxquels ils se sont dévoués. MacNeil était un homme âgé de 45 ans, vigoureux, grand, portant toute sa barbe, comme les Écossais des montagnes. Par son attitude, sa physionomie aussi bien que par son costume traditionnel, il était resté un Highlander d'âme et de corps, bien qu'il eût quitté le service militaire en même temps que le colonel Munro. Tous deux avaient pris leur retraite depuis 1860, mais au lieu de retourner dans les glens du pays au milieu des vieux clans de leurs ancêtres, tous deux étaient restés dans l'Inde et vivaient à Calcutta, dans une sorte de réserve et de solitude qui veulent être expliquées. Lorsque Banks me présenta au colonel Munro, il ne me fit qu'une recommandation. « Ne faites aucune allusion à la révolte des Sipahis, » me dit-il, « et surtout, ne prononcez jamais le nom de Nana Sahib. » Le colonel Edward Munro appartenait à une vieille famille d'Écosse, dont les ancêtres avaient marqué dans l'histoire du Royaume-Uni. Il comptait parmi ses ancêtres ce sir Hector Munro, qui commandait l'armée du Bengale en 1760, et qui eut précisément à dompter un soulèvement que les Sipahis, un siècle plus tard, allaient reprendre pour leur compte. Le major Munro réprima la révolte avec une impitoyable énergie et n'hésita pas à faire attacher le même jour 28 rebelles à la bouche des canons, supplice épouvantable, souvent renouvelé pendant l'insurrection de 1857 et dont l'aïeul du colonel fut peut-être le terrible inventeur. À l'époque où les Sipahis se révoltèrent, le colonel Munro commandait le 93e régiment d'infanterie écossais de l'armée royale. Il fit presque toute la campagne sous les ordres de Sir James Outram, l'un des héros de cette guerre, celui qui mérita le nom du Bayard de l'armée des Indes, ainsi que le proclama Sir Charles Napier. Avec lui, le colonel Munro fut donc à Cawnpore. Il fut de la seconde campagne de Colin Campbell dans l'Inde. Il fut du siège de Lucknow, et il ne quitta cet illustre soldat que lorsque Outram eut été nommé à Calcutta membre du Conseil de l'Inde. En 1858, le colonel Sir Edward Munro était chevalier commandant de l'étoile de l'Inde, « The Star of India ». Il était fait baronnet et sa femme eut porté le titre de Lady Munro si le 27 juin 1857, l'infortuné n'eût péri dans l'effroyable massacre de Cawnpore, massacre accompli sous les yeux et par les ordres de Nana Sahib. Lady Munro, les amis du colonel ne l'appelaient jamais autrement, était adorée de son mari. Elle avait à peine 27 ans, lorsqu'il disparut avec les 200 victimes de cette abominable tuerie. Mrs. Orr et Miss Jackson, presque miraculeusement sauvées après la prise de Lucknow, avaient survécu à leur mari, à leur père. Lady Munro, elle, n'avait pu être rendue au colonel Munro. Ses restes, confondus avec ceux de tant de victimes dans le puits de Cawnpore, il avait été impossible de les retrouver et de leur donner une sépulture chrétienne. Sir Edward Munro, désespéré, n'eut alors qu'une pensée, une seule, retrouver Nana Sahib, que le gouvernement anglais faisait rechercher de toutes parts, et assouvir, avec sa vengeance, une sorte de soif de justicier qui le dévorait. Pour être plus libre de ses actions, il prit sa retraite. Le sergent MacNeil le suivit dans tous ses pas et démarches. Ces deux hommes, animés du même esprit, ne vivant que dans la même pensée, ne visant que le même but, se lancèrent sur toutes les pistes, relevèrent toutes les traces, mais ils ne furent pas plus heureux que la police anglo-indienne. Le Nana échappa à toutes leurs recherches, après 3 ans d'infructueux efforts. Le colonel et le sergent durent suspendre provisoirement leurs investigations. D'ailleurs, à cette époque, le bruit de la mort de Nana Sahib avait couru l'Inde, et avec un tel degré de véracité cette fois qu'il n'y avait pas lieu de la mettre en doute. Sir Edward Munro et MacNeil revinrent alors à Calcutta, où ils s'installèrent dans ce bungalow isolé. Là, ne lisant ni livres ni journaux, qui auraient pu lui rappeler la sanglante époque de l'insurrection, ne quittant jamais sa demeure, le colonel vécut un homme dont la vie est sans but. Cependant, la pensée de sa femme ne le quittait pas. Il semblait que le temps n'eut aucune prise sur lui et ne put adoucir ses regrets. Il faut ajouter que la nouvelle de la réapparition du Nana dans la présidence de Bombay, nouvelle qui circulait depuis quelques jours, semblait avoir échappé à la connaissance du colonel, et cela était heureux, car il eut immédiatement quitté le bungalow. Voilà ce que m'avait appris Banks avant de me présenter dans cette habitation dont toute joie était à jamais bannie. Voilà pourquoi devait être évitée toute allusion à la révolte des Sipayes et au plus cruel de ses chefs, Nana Sahib. Deux amis seulement, deux amis à toute épreuve, fréquentaient assidûment la maison du colonel. C'était l'ingénieur Banks et le capitaine Hod. Banks, je l'ai dit, venait de terminer les travaux dont il avait été chargé pour l'établissement du chemin de fer Great Indian Penciler. C'était un homme de 45 ans, dans toute la force de l'âge. Il devait prendre une part active à la construction du Madras Railway, destiné à relier le golfe arabique à la baie de Benguela. Mais il n'était pas probable que les travaux puissent commencer avant un an. Il se reposait donc à Calcutta, tout en s'occupant de projets divers de mécanique, car c'était un esprit actif et fécond, incessamment en quête de quelque invention nouvelle. En dehors de ses occupations, il consacrait tout son temps au colonel, auquel le liait une amitié de 20 ans. Aussi, presque toutes ses soirées se passaient-elles sous la véranda du bungalow, dans la compagnie de Sir Edward Munro et du capitaine Hod, qui venait d'obtenir un congé de 10 mois. Hod appartenait au premier escadron de carabiniers de l'armée royale et avait fait toute la campagne de 1857-1858, d'abord avec Sir Colin Campbell dans l'Oud et le Roy Khand, puis avec Sir Ashrose dans l'Inde centrale, campagne qui se termina par la prise de Gwalior. Le capitaine Hod, élevé à cette rude école de l'Inde, un des membres distingués du club de Madras, rouge blond de cheveux et de barbe, n'avait pas plus de 30 ans. Bien qu'il fût de l'armée royale, on le prit pour un officier de l'armée native, tant il s'était indianisé pendant son séjour dans la péninsule. Il n'aurait pas été plus hindou s'il y fût né. C'est que l'Inde lui semblait être le pays par excellence, la terre promise, la seule contrée où un homme pût et dut vivre. Là, en effet, il trouvait à satisfaire tous ses goûts. Soldat de tempérament, les occasions de se battre se renouvelaient sans cesse. Chasseur émérite, n'était-il pas au pays où la nature semble avoir réuni tous les fauves de la création et tout le gibier de poils et de plumes des deux mondes? Ascensionniste déterminé, n'avait-il pas sous la main cette imposante chaîne du Tibet qui compte les plus hauts sommets du globe? Voyageur intrépide qui l'empêchait de poser le pied, là où personne ne l'avait mis encore, dans ces inaccessibles régions de la frontière himalayenne. Turfiste enragé lui manquait-il ces champs de course de l'Inde qui valaient à ses yeux ceux de la Marche ou d'Epsom? À ce propos, même Banks et lui étaient en parfait désaccord. L'ingénieur, en sa qualité de mécanicien pur sang, ne s'intéressait que très médiocrement aux prouesses hippiques des gladiateurs et des filles de l'air. Un jour même, le capitaine Hod, le pressant à cet égard, Banks lui répondit que, dans son opinion, les courses ne seraient vraiment intéressantes qu'à une condition. « Et laquelle ?» demanda Hod. « C'est qu'il serait bien entendu, répondit sérieusement Banks, que le dernier arrivé des jockeys serait fusillé au poteau de départ, séance tenante. » « C'est une idée, » répliqua simplement le capitaine Hod. Et il eût été homme, sans doute, à courir cette chance en personne. Tels étaient les deux commensaux assidus du bungalow de Sir Edward Munro. Le colonel aimait à les entendre discuter sur toutes choses, et leurs éternelles discussions amenaient quelquefois une sorte de sourire sur ses lèvres. Un désir commun à ces deux braves compagnons, c'était d'entraîner le colonel dans quelque voyage qui pût le distraire. Plusieurs fois, il lui avait proposé de partir pour le nord de la péninsule, d'aller passer quelques mois aux environs de ces sanitariums où la riche société anglo-indienne se réfugiait volontiers pendant la saison des grandes chaleurs. Le colonel s'y était toujours refusé. En ce qui concernait le voyage que Banks et moi nous comptions entreprendre, nous l'avions déjà pressenti à ce sujet. Ce soir même, la question fut de nouveau remise sur le tapis. On a vu que le capitaine Hod ne parlait rien moins que de faire à pied une grande excursion dans le nord de l'Inde. Si Banks n'aimait pas les chevaux, Hod n'aimait pas le chemin de fer. Ils étaient à deux de jeu. Le moyen terme eût été sans doute de voyager soit en voiture, soit en palanquin, à sa guise, à ses heures, ce qui est assez facile sur les grandes routes bien tracées et bien entretenues de l'Hindoustan. « Ne me parlez pas de vos voitures à bœufs, de vos ébus à bosse !» s'écria Banks. « Sans nous, vous en seriez encore à ces véhicules primitifs, dont on ne voulait déjà plus il y a 500 ans en Europe. Hey, »« Hé, Banks !» riposta le capitaine Hod. « Cela vaut bien vos wagons capitonnés, vos Crampton, de grands bœufs blancs qui soutiennent parfaitement le galop et qu'on change au relais de poste de deux en deux lieues, et qui traînent des espèces de tartanes à quatre roues où l'on est plus rudement secoué que ne sont les pêcheurs dans leurs barques sur une mer démontée. Passe pour les tartanes, Banks, répondit le capitaine Hod. Mais n'avons-nous pas des voitures à deux, à trois, à quatre chevaux qui peuvent rivaliser de vitesse avec nos convois, bien dignes de porter ce nom funèbre? J'aime encore mieux le simple palanquin. Vos palanquins, capitaine Hod, de véritables bières, longues de 6 pieds, larges de 4, où l'on est allongé comme un cadavre. Soit, Banks, mais pas de chaos, pas de secousses. On peut lire, on peut écrire, on peut dormir à l'aise, sans être éveillé à chaque station. Avec un palanquin à 4 ou 6 gamals bengalis, on fait encore 4 milles et demi à l'heure. Et comme dans vos express impitoyables, on ne risque pas moins d'arriver avant même d'être parti, quand on arrive. Le mieux, dis-je alors, sera sans doute de pouvoir emporter sa maison avec soi. Colimaçon, s'écria Banks. Mon ami, répondis-je. Un colimaçon qui pourrait quitter sa coquille et y rentrer à volonté ne serait peut-être pas tant à plaindre. Voyager dans sa maison, une maison roulante, ce serait probablement le dernier mot du progrès en matière de voyage. Peut-être, dit alors le colonel Munro. Se déplacer tout en restant au milieu de son home, emporter son chez-soi et tous les souvenirs qui le composent, varier successivement son horizon, modifier ses points de vue, son atmosphère, son climat, sans rien changer à sa vie, oui, peut-être. Plus de ces magalots destinés aux voyageurs, répondit le capitaine Hod, où le confort laisse toujours à désirer, et dans lesquels on ne peut séjourner sans un permis de l'administration locale. Plus d'auberges détestables, dans lesquelles, moralement et physiquement, on est écorché de toutes les manières, fis-je observer, non sans quelque raison. La voiture de saltimbanque, s'écria le capitaine Hod, mais la voiture modernisée. Quel rêve! S'arrêter quand on veut, partir quand cela plaît, marcher au pas si l'on aime à flâner, filer au galop pour peu qu'on y tienne, emporter non seulement sa chambre à coucher, mais son salon, sa salle à manger, son fumoir, et surtout sa cuisine et son cuisinier, voilà le progrès, ami Banks. Cela est 100 fois supérieur au chemin de fer. Osez me démentir, ingénieur que vous êtes, osez-le. Hé hé, ami Hod, répondit Banks. Je serais absolument de votre avis si... Si, fit le capitaine en hochant la tête. Si, dans votre essor vers le progrès, vous ne vous étiez pas brusquement arrêté en route. Il y a donc mieux à faire encore. Jugez-en. Vous trouvez la maison roulante très supérieure au wagon, même au wagon-salon, même au sleeping car des railways. Vous avez raison, mon capitaine, si l'on a du temps à perdre, si l'on voyage pour son agrément et non pour ses affaires. Je crois que nous sommes tous d'accord à ce sujet. Tous, répondis-je. Le colonel Munro abaissa la tête en signe d'acquiescement. « C'est entendu, » répondit Banks. « Bien, je poursuis. Vous vous êtes adressé à un carrossier doublé d'un architecte et il vous a construit votre maison roulante. La voilà bien établie, bien comprise, répondante aux exigences d'un ami du confort. Elle n'est point trop haute, ce qui lui évitera des culbutes. Elle n'est pas trop large, de manière à passer par tous les chemins. Elle est ingénieusement suspendue afin que la route lui soit facile et douce. Parfait, parfait. » Elle a été fabriquée pour notre ami le colonel, je suppose. Il nous y a offert l'hospitalité. Nous allons, si vous le voulez, visiter les contrées septentrionales de l'Inde, en colimaçon. Mais en colimaçon, que leur queue ne rive pas inséparablement à leur coquille. Tout est prêt. On n'a rien oublié. Pas même le cuisinier et la cuisine, si chers au cœur du capitaine. Le jour du départ est venu, on va partir. All right. Et qui la traînera, votre maison roulante, mon excellent ami? « Qui ?» s'écria le capitaine Hod. « Mais des mules, des ânes, des chevaux, des bœufs, par douzaines, » dit Banks. « Des éléphants !» riposta le capitaine Hod. « Des éléphants ! Voilà qui serait superbe et majestueux. Une maison traînée par un attelage d'éléphants, bien dressé, de fière allure, d'étalant, galopant comme les plus beaux carrossiers du monde. Ce serait magnifique, mon capitaine. Un train de Raja en campagne, mon ingénieur. Oui, mais... Mais quoi ? Il y a encore un mais ? S'écria le capitaine Hod. Un gros mais. Ah, ces ingénieurs, ils ne sont bons qu'à avoir des difficultés en toutes choses, et à les surmonter, quand elles ne sont pas insurmontables, répondit Banks. Eh bien, surmonter. Je surmonte, et voici comment. Mon cher Munro, tous ces moteurs dont le capitaine a parlé, cela marche, cela traîne, cela tire, mais cela se fatigue aussi. Cela est rétif, cela s'entête, et surtout cela mange. Or, pour peu que les pâturages viennent à manquer, comme on ne peut pas remorquer 500 acres de prairies à sa suite, l'attelage s'arrête, s'épuise, tombe, meurt de faim, la maison roulante ne roule plus, Elle reste aussi immobile que le bungalow où nous discutons en ce moment. Il s'ensuit donc que ladite maison ne sera pratique le jour où ce sera une maison à vapeur. Qui courra sur des rails ? S'écria le capitaine en haussant les épaules. Non, sur des routes, répondit l'ingénieur, entraîné par quelques locomotives routières perfectionnées. Bravo ! S'écria le capitaine, bravo ! Du moment que votre maison ne roulera plus sans railway et pourra se diriger à sa fantaisie sans suivre votre impérieuse ligne de fer, j'en suis. Mais, fis-je observer à Banks, si mules, ânes, chevaux, bœufs, éléphants mangent, une machine mange aussi, et faute de combustible, elle s'arrêtera en route. Un cheval vapeur, répondit Banks, égale en force 3 à 4 chevaux nature, et cette puissance peut être accrue encore. Un cheval vapeur n'est sujet ni à la fatigue ni à la maladie. Par tous les temps, sous toutes les latitudes, sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, il va toujours sans jamais s'épuiser. Il n'a même pas à redouter les attaques des fauves, ni la morsure des serpents, ni la piqûre des taons et autres redoutables insectes. Il n'a besoin ni de l'aiguillon du bouvier, ni du fouet des conducteurs. Se reposer inutile, il se passe de sommeil. Le cheval vapeur, sorti de la main de l'homme, est, étant donné son but, et qu'on n'attend pas de lui qu'il puisse un jour être mis à la broche, supérieur à tous les animaux de trait que la Providence a mis à la disposition de l'humanité. Un peu d'huile ou de graisse, un peu de charbon ou de bois, c'est tout ce qu'il consomme. Or, vous le savez, mes amis, ce ne sont pas les forêts qui manquent dans la péninsule indienne, et le bois y appartient à tout le monde. Bien dit, s'écria le capitaine Hood. Hourra pour le cheval vapeur. Je vois déjà la maison roulante de l'ingénieur Banks, traînée sur les grandes routes de l'Inde, pénétrant à travers les jungles, s'enfonçant sous les forêts, s'aventurant jusque dans les repères des lions, des tigres, des ours, des panthères, des guépards. Et nous, à l'abri de ces murs, nous payons des hécatombes de fauves à dépiter tous les Nemrod, les Anderson, les Gérard, les Pertuiset, les Chassins du monde. Ah, Banks, l'eau m'en vient à la bouche, et vous me faites bien regretter de ne pas avoir à naître dans quelques 50 ans d'ici. Et pourquoi, mon capitaine ? Parce que dans 50 ans, votre rêve sera réalisé, et que la voiture à vapeur se fera. Elle est faite, répondit simplement l'ingénieur. Faite, et faite par vous, peut-être ? Par moi. Et je ne craindrai à vrai dire qu'une chose pour elle, c'est qu'elle ne dépassa votre rêve. En route, Banks, en route ! S'écria le capitaine Hood, qui se leva comme sur le coup d'une décharge électrique. Il était prêt à partir. L'ingénieur le calma d'un geste, puis, d'une voix plus grave, s'adressant à Sir Edward Munro. « Edward, si je mets une maison roulante à ta disposition, si d'ici un mois, lorsque la saison sera convenable, je viens te dire, voilà ta chambre qui se déplacera et ira où tu voudras aller. Voilà tes amis, Mauclair, le capitaine Hood et moi, qui ne demandons qu'à t'accompagner dans une excursion au nord de l'Inde. Me répondras-tu, partons, Banks, partons, et que le dieu des voyageurs nous protège ?»« Oui, mes amis, » répondit le colonel Munro, après avoir réfléchi un instant. « Banks, je mets à ta disposition tout l'argent nécessaire. Tiens ta promesse. Amène-nous cette idéale maison à vapeur qui dépasserait les rêves de Hood, et nous traverserons l'Inde entière. »« Hurrah, hurrah !» s'écria le capitaine Hood, et malheureux fauve des frontières du Népal. En ce moment, le sergent McNeil, attiré par les hurrahs du capitaine, parut sur la porte de l'habitation. « McNeil, lui dit le colonel Munro, nous partons dans un mois pour le nord de l'Inde. Tu seras du voyage ?»« Nécessairement, mon colonel, puisque vous en êtes, » répondit le sergent McNeil